Alors, cette semaine, nous allons parler aujourd'hui de Catherine Deneuve, qui, si elle avait été un homme, se serait appelée Catherine Deneuve. Oh. Ce qui m'aurait permis de démarrer ma bronchite chronique par quoi de neuf, docteur? Quoi de neuf, docteur? Ça le fait moins, sauf si on porte un pacemaker. Quoi de neuf, docteur? Les piles. J'aurais ainsi pu sauver la race. Cette question est néanmoins, ou en plus, je ne sais jamais, à l'origine de son nom. En effet, à sa naissance, on posa la question au médecin accoucheur. Quoi de neuf, docteur? Et il répondit, de neuf. Oh là là. Catherine Deneuve étant venue au monde en même temps que sa sœur jumelle, née sous le signe des Gémeaux, Françoise. Si c'était agi de garçon, il aurait dit balle neuve, car il jouait au pénis. Oui, il avait horreur du thé. Catherine Deneuve, née dans le 17e arrondissement, pas siècle, ouais, bon. Je t'avais dit. Est-ce qu'on appelle une fille de la balle? Son père, directeur de doublage à la Paramount, et sa mère, comédienne pensionnaire du théâtre de l'Odéon, s'étaient rencontrés au bal du 14 juillet par un froid dimanche de novembre. C'est grâce à un réalisateur Kudjat, passionné de bière, Jacques Demy, qu'elle connaîtra le succès dans Les Ombrelles de Cherbourg. Oui, je me suis permis de modifier le titre à la demande de l'Office du tourisme de Normandie, qui m'a promis en échange d'inviter toute l'équipe des Pantoufles Explosives, une semaine tout compris, au Grand Hôtel de Cabourg. Cool. On m'a juste demandé de préciser qu'il y avait quand même des jours où on a posé un parapluie en Normandie, comme par exemple le 12 août 89 entre 14h18 et 16h32. Ça, c'est fait. Préparez le calva, ça nous changera du champomis. Cabourg, on arrive. Alors, quand on évoque Catherine Deneuve, on pense bien sûr à Belle de jour de Buñuel, dont la suite est moche la nuit, ne verra heureusement jamais le jour. Tenace, elle rame pour jouer dans le dernier métro et décroche son ticket pour un César. Son deuxième César, elle l'aura pour Indochine, film qui verra aussi le César de la meilleure actrice dans un second rôle décerné à Dominique Blanc, ce qui révoltera la communauté asiatique qui accusera l'Académie des Césars de décerner des trophées qu'aux Blancs. Contestation qui est encore d'actualité aujourd'hui aux Oscars avec les Noirs. Contestation légitime, c'est une critique engagée. Car sans les Noirs, il n'y aurait jamais eu de cinéma. Non mais vous imaginez des films en blanc et blanc? Il n'y aurait pas eu beaucoup, hein. Blanche-Neige, Noce Blanche, alors que grâce aux gens de couleur, on a eu le Grand Bleu, le Cercle Rouge, la Ligne Verte, la Couleur Pourpre, Orange Mécanique, la Panthère Rose, et sans oublier le génialissime Oui Oui et le Taxi Jaune. D'ailleurs, si on peut faire un reproche à Catherine Deneuve, c'est bien celui de n'avoir jamais joué dans un Oui Oui. Elle a toujours dit non non. C'est dommage. Car moi, je l'aurais bien vu jouer Mademoiselle Chatounette dans Oui Oui et le Train de Miniville. Ça aurait pu être une nouvelle version du film de Truffaut, Une chatte toute nette en ticket de métro. Oh là là. Je suis sûr que ça aurait plu à ce vieux pervers de Potiron, dont les relations avec Oui Oui ne sont pas nettes nettes. C'est facile d'abuser un enfant qui ne sait pas dire non. Oh là là. Mais revenons à Catherine, Cathy, Kat, Kit Kat, Chatounette. Enfin celle qui a émoustillé des générations d'adolescents dans Mémoire d'un puceau, d'après l'excellent livre de Thibaut Marchand. Celle qui fut la première finaliste de Koh-Lanta avec Yves Montand dans ce qui s'appelait encore Le Sauvage est également une actrice engagée. Elle s'est en effet mariée deux fois. La première fois avec le Playboy, Roger Vadim. Il lui donnera un rôle dans Le Vice et la Vertu. Film qui fera ensuite l'objet d'une reprise par Messieurs Black et Decker sous le titre Le Vice et la Perceuse. L'histoire d'une vis au pied du mur qui cherche à percer en trouveau du boulon. Elle divorcera de son deuxième mari, David Bellège, en 72, celui-ci abusant d'alcool, portant son nom. Oh. Oh. N'oublions jamais que le vice et le verre tuent. Elle vivra ensuite la Dolce Vita avec Marcello Mastroianni, dont elle aura une fille et des champignons. Marcello ayant servi de modèle pour la création du personnage de Mario dans Nintendo. Alors même si, comme le raconte Nadine Trintignant, ça n'arrive qu'aux autres, aujourd'hui Catherine Deneuve est à l'automne de sa vie. Ma saison préférée, rappellerait Échiné. Mais si c'était à refaire, être encore avec Claude Lelouch, l'autre, Claude Berry, se joindra à moi pour lui dire « Je vous aime ». Ouais. Bravo Jean-Paul. Merci.